Allez chercher vos amis à la bonne gare. Il y a bien un train qui arrive de Toulouse à 6 heures. Non, monsieur. Alors, il y en a un à 7 heures. Non. Mais si, je suis venu chercher un de mes amis qui arrive de Toulouse. Vous n'êtes pas à la bonne gare, monsieur. Les trains de Toulouse arrivent à la gare d'Austerlitz. Ici, vous êtes à la gare du Nord.